Le matin, je me réveille à 8 heures. Je me douche et je m'habille. Vers 9 heures, je prends le petit déjeuner et je me dépêche pour aller sur le campus. Le soir, je me couche très tôt parce que je suis fatiguée.